Tu connais le climat de la Provence? Quel temps fait-il en hiver? En hiver, il fait souvent très beau, mais assez froid. Il y a beaucoup de vent, du mistral. C'est un vent très fort et froid. Ah oui? Oui. Ça change de ma région. Ici, il fait assez doux, mais il y a souvent du brouillard en hiver. Justement, il n'y a pas beaucoup de vent, alors les nuages restent. Il fait souvent gris. C'est beau, mais un peu triste, non? Oui, mais le climat a changé. Quand j'étais jeune, il y avait plus de vent.